Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter. Mada yanqimoun min al-Sheikh Yahya al-Hadouri. Aïe, la traduction, que reproche-t-il à Sheikh Yahya al-Hadouri? Waffaq Allah al-Jami'a. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala al-Tawfiq wa al-Sadat. Wa al-Qasd, c'est le défaut anil haq. Al-Qasd, c'est pas de taqlid, abadan. Si le Sheikh s'est trompé, il s'est trompé. Et on dira, il s'est trompé. On est venu dans ce maqam pour apprendre l'ilm. On n'est pas venu dans ce maqam pour suivre Fulan ou Allah. Un cours donné par le frère Mounir al-Maghribi, hafidahullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat Bidammaj au Yémen. Cours numéro 5. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نكمل إن شاء الله تعالى هذا الموضوع وهو دراسة هذه المسائل التي ينتقدونها على الشيخ يحيى الحجوري وفقه الله ووصلنا إلى المسألة السادسة وهي ما يتعلق بالغلو وهؤلاء يدندنون كثيرا حول هذه المسألة أن الشيخ يحيى عنده غلو أن طلابه يغلون فيه كذلك أن الشيخ عنده غلو في الأحكام على الآخرين وهذه الأمور المعروفة عند هؤلاء الغلو أي مجاوزة الحد هذا هو الغلو أي exagéré, dépasser les limites يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق فنهى الله سبحانه وتعالى عن الغلو كذلك تستفيد من الآية أن الغلو من صفات أهل الكتاب المنحرفين الضالين أي زيكزاجير ف si tu connais le حال des نصارى فتتعجب لغلو كذا حتى رفعوا عيسى ابن مريم عليه السلام إلى منزلة الربوبية والألوهية وأنه هو ابن الله عز وجل تصاص من الغلو أما عيسى سنبي سرسول بشر عليه الصلاة والسلام وأخرج الإمام النسائي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم والغلو الحديث اختصرناه أما الحديث اللي في سياق الرمي في الجمرات في الحج فالنبي صلى الله عليه وسلم اللغة منطقي أن تشوازي دي بتي كايو فبهذا فرموا قال عليه الصلاة والسلام هاي دي بتي كايو ثم قال عليه الصلاة والسلام وإياكم والغلو في الدين قال وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين La cause, une des plus grandes causes qui a causé la perte des générations avant nous, c'est le ghulou. Iyakum wal ghulou fi din. Hadha al marad, c'est une maladie le ghulou. Il est khatir jiddan ala talib al ilm. Annahu la yahmiluhu al hamas wal mahabba. وفعل الخير أن يغلو لا شك شوز على سوق قدر فالنبي صلى الله عليه وسلم ينحق علينا عبد الله ورسوله فأن لسوي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز الغلو كما تفعل الصوفية أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون الغيب أنه يبت بخطيجي أنه تفت دعاة لدموند هذا اسم من باب الغلو والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فكذلك أهل العلم إذن إن منزلة عظيمة عند المسلمين عموما وطلبة العلم خاصة إذن إن منزلة عظيمة أنا أنا لازم في الله Si on a un problème, on leur demande. Fas'alu ahlid dhikr in kuntum la ta'lamun. Et on suit leur fatwa tant qu'elle concorde avec un dalil. Amma, les suivre aveuglément et accepter la parole de certains et rejeter la parole d'autres sans dalil. Hada c'est min al-ghulu bi hada al-alim. Talabat al-ilm, ils s'écartent de hada. Chaque chose a sa place. Tes parents, ils ont une manzila. Tes amis, ils ont une manzila. Tes enfants, ils ont une place. Enfin, à chacun, tu donnes sa place. Hada, c'est ça pour éviter al-ghulu. Amma al-ghulu, c'est que tu mets une personne qui n'est pas à sa place. Tu le mets au-dessus. Hada, la yambari. La yajouz. Comme on a cité le verset, c'est mon sifat. Al-Yahoud ou al-Nasara. Et pour éviter ce rouleau, la personne, labud, qui soit à la ilm. Il y en a beaucoup de ceux qui font du rouleau, qui exagèrent, c'est bisabab al-jahl. La personne, s'il est à la ilm, il cherche chaque personne son haq. Les prophètes, ils ont un haq. Les savants, ils ont un haq. Les compagnons du prophète, ils ont un haq. Wa hakada. Fa bi'idnillah, avec une bonne niya, et la personne son but c'est le haq, inshallah il s'écartera du rouleau. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wa iyyakum wal ghulu fi ad-din 'am fi jami' anwa' al-ghulu fi al-i'tiqad wal a'mal. Na'am. Ça c'est une aqida. On a donné l'exemple de aqida al-Nasara fi Isa. Ils ont fait du ghulu, ils ont exagéré. Ils l'ont élevé hatta ils ont une conviction أنه هو الفيز الله أو سلوي مم الله صلى الله العافية من هذا القول. كذلك في الأعمال on a donné l'exemple lancer les cailloux في الزمرات في الحج personne ne veut pas de roulou comme قال النبي صلى الله عليه وسلم فبهذا فرموا حصى un petit caillou المهم c'est d'appliquer cette عبادة. أما بعض الناس يفعلون du roulou. بعض الناس يفون جغولوا في هذه المسألة في هذه العبادة فربما واحد يجد دقو كايو ربما واحد يجد أتشوز كو دكايو فصاص من الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم قال فبهذا فرموا. فالآن يتبين من هذا أن pour écarter ces quartiers du غلو il faut suivre le Coran et le Sunna. لأن si tu t'écartes du Coran et du Sunna إما la personne il va tomber dans l'exagération al غلو. Il va rajouter des choses. Emma, il va tomber dans l'autre extrême, al-taqsir. Ce qu'ils appellent al-ulama, al-ifrat ou al-tafrit. Enfin, la hada ou la hada. Il y en a بعض الناس, ils ont un autre marad. C'est qu'ils ont du taqsir. Fait بعض الامور. Tamayyu. Hada كذلك, c'est un marad, fattak. La. Khayru al-umur wasatuha. La meilleure des voies, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le juste milieu. Qal shir l'islam, au qara'na. Kalamu fi iqtida surat al-mustaqib. Fa idha fahimta hadhi al-muqaddima al-mukhtasara, fa ha'ula al-maftunin yaz'umun أن الشيخ يحيى وفقه الله يرضى لنفسه بالغلو. أي prétend أن الشيخ يحيى أولاً ses élèves exagèrent, ils font du غلو sur lui et lui il accepte, il aime هذا. قال عرفان والغلو أو الغلو في شخص الحدور والذي رضي به منهجا. أي الغلو في شخص الحدور. أي ses élèves font du غلو sur sa personne et lui يرضى بهذا. بل إلا أكسبتكم منهج هذه التهمة الآن الإقراب لأن الآن سمنهج بخشير ورضي أي إلام هذا السلام سكيفة أبلي هذا فالآن هو يفاقت أجو أن أولا سيزنا في فونجو غلو إلوي إلا أكسبت هذا سيدي كذب يقول الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا الآن سيكلام il est obligé de citer des preuves. Fihada. Et on va voir, il a cité des choses. Salamdur. Awalan, celui qui connaît Cheikh Yahya, qui a assisté à ses assises, qui écoute ses doros, qui lit ses livres, il va s'apercevoir que c'est du kadhib. Celui qui lit ses livres, qui écoute ses doros et qui assiste, bien insaf, il veut le haqq. Alors, ils écoutent et ils lisent et ils prennent une kalima. Et ils font sa thèse. Il aime bien, ou il aime, ou il accepte al-ghulu. Qala al-shaykh Yahya saddadahu Allah. Un frère, il a lu une poésie et il a cité des compliments sur Cheikh. Et Cheikh, à la fin, il l'a conseillé. Ça montre qu'Annahu, il n'aime pas le rouleau. Si ça serait un manhaj, comme il prétend Arafat, il va conseiller Hadal Akh. Et on va lire plusieurs, ce n'est pas qu'une fois. Ça serait un manhaj, il ne va pas conseiller ce frère-là. Bel, au contraire, il va appuyer Hadal. لكن اسمع الكلام وتأمل قال الشيخ après la قصيدة du frère, la poésie qu'il a lu, قال جزاك الله خيرا وعف الله عني وعنك أي كالله تباردن أو كالله نباردن تباردن أموا يا توا قال والله نحن دون ذلك يعني le frère il a cité des choses sur الشيخ أنه il est كذا أنه il est كذا الشيخ lui a dit نحن ندون ذلك. On est en dessous de ce que tu as cité. Ça montre, c'est le contraire du rouleau. Hada. Qala nahnu talabat ilm. Nas'alu Allah an ya'fu 'anna. Wallahi innana na'tarif lillah bi dha'fina wa 'ajzina. Wa nas'alu Allah an yatub 'alayna. Hada al-kalam nahnu l'a entendu, hada al-kalam. Wa lillah al-hamd. On était présent. Falimadha al-kadhib? Limadha ils se sont basés sur une chose ou deux choses qu'on va voir? Et il cite ça comme umum. L'analyse de manhaj il est grave. Al manhaj c'est la voie que tu suis. Maintenant on dit Fulan il est à la manhaj Ahl Sunna. Aïe, sa voie c'est il suit le Coran et la Sunna. Al-An al-Kadhab il dit la voie de Cheikh c'est le ghulou. قال الشيخ حفظه الله قال ونحن مذنبون مقصرون. الكلام هنا واضح. الشيخ ناطر متخانا. On est des êtres humains, on est des talabat al-ilm. On a des péchés, on est faible dans certaines choses. Et il demande à Allah qui lui pardonne. قال وإخواننا حفظهم الله يحسنون الظن بنا كثيرا. Et ça c'est حال طالب avec son شيخ. أن بعض الإخوان tellement qu'ils aiment leur شيخ. Ils ont une bonne image de lui et ils reconnaissent le bien. Ils leur donnent du temps, ils leur donnent des doros aussi. Ils écrivent des poésies et ils le remercient. Fa ce husnul dhann, probablement il va citer des choses, probablement fiha mubalagha. Tahsul min ash-shu'ara, personne peut nier hada. Probablement il cite des choses et il répète. Fa ash-shaykh yaqul yuhsinun adh-dhann bina kathiran, lasna 'inda hada abadan. Cheikh dit ce qu'il cite, on n'est pas عند هذا. Et probablement il y a de l'exagération. Fa nahnu on est en dessous de hada. Ça montre un talib, il peut se tromper, le cheikh il peut se tromper. Lakin bi hadhihi al-masa'il al-ghulu, kathiran, c'est بعض الطلاب, ils ont dit des paroles. Fa بعض الناس, ils disent que le cheikh il accepte. Là, maintenant, on a un témoignage, il montre que بعض الشعراء, probablement, ils exagèrent dans certaines choses, et le cheikh il leur montre, nous on n'est pas عند هذا. Fa al-munsif, Inch'Allah ta'ala, il va comprendre min hadha al-kalam anna c'est pas un manhaj li al-shaykh abadan. C'est du kadhib ala al-shaykh, na'am. Qala ana ufidukum khudhuha anni bi'ulu. Ay isnad ali. Ay al-shaykh va t'informer d'une chose, fa écoute. Qala ana wallah lastu 'inda hadha abadan. Nahnu tullab 'ilm masakin du'afa. Ay al-shaykh il a montré في هذه الكلمة، après cette poésie، أنه il aime pas هذا. Il aime pas هذا. Il aime bien qu'on le laisse à sa place. Un talib ilm, une personne qui donne des doros, une personne qui donne du khayr, un shir, un alim min al-ulama. Inch'Allah, il a un haq. Ses élèves, يعني, ils ont un haq par rapport à lui, et lui, il a un haq par rapport à eux. هذا. On ne dépasse pas les limites. La yajouz. Voilà aussi ça arrive. d'un élève d'ici ou d'un élève d'ailleurs ou quiconque, là yajouz lahu, il fait du roule. Et Cheikh la nabda. Anzor al-Kanz al-Thamin fi sharh rihlat hajj bayt Allah al-Amin. Ce dars, c'est quand Cheikh est revenu du hajj. Et il avait cité Had al-Kalam. Le frère, il avait fait une qasida par rapport à son retour. Et Cheikh l'avait cité Had. كذلك قال حفظه الله كذلك نصحا لشاعر آخر. Vous avez remarqué que Hada, ça vient beaucoup de Shu'ara. Wa Shu'ara, les poètes, ceux qui écrivent des poésies, ta'lamoun anna, la façon d'écrire la poésie en arabe, rubbama il y a des mots, ahyana, ils sont pas à leur place. Rubbama il y a de l'exagération. Rubbama ils donnent des images. Rubbama, les poètes, c'est connu, hata autre que la langue arabe. Fali Hada, tu remarqueras que beaucoup c'est des nasa'ih envers les poètes. Leur amour pour le shir et la poésie, ça peut, tu lis cette poésie et tu trouves des kalam, rubbama il y a de l'exagération. قال الشيخ حفظه الله لي رجاء من إخوان. لي رجاء أي j'ai une demande pour mes frères. Je veux que يعني vous appliquez cette demande. C'est quoi cette demande? قال أرجو أن يلب هذا الرجاء. قال وإن شاء الله ظني بهم حسن. وهو cette demande, il va la citer الآن. أن لا يحملهم حبنا لبعضنا البعض على المبالغة. Cheikh, cette demande, il dit أن l'amour qu'on a les uns envers les autres, le Cheikh envers ses élèves et les élèves envers leur Cheikh, cet amour, Cheikh, il conseille, il ne faut pas que ça nous pousse à exagérer. Il y en a une des causes d'exagération, c'est le fait d'aimer, l'amour. Quand les salihins ils sont morts, leur amour, ils les ont enterrés, ils les ont représentés. Cet amour, ça s'est fini par le rouleau et des générations elles sont venues après, ils ont adoré ces morts. فلهذا الشيخ يمنطق أن ست محبة يفكون لمدي غيق لأن الحب في الله ست محبة وفي أتنشون مدي غيق سنو بوس با أكزاجري كذلك نطق أن البغض par rapport à quelqu'un, ça ne doit pas nous pousser à exagérer. On déteste maintenant un moubtadi' ou un kafir. On les déteste, fillah. Ça ne nous pousse pas à exagérer, à mentir, à dire qu'il a fait une chose qu'il n'a pas fait, là. طالب العلم يلزم الإنصاف والعدل في شأنه كله. Tant qu'il peut. Et si il glisse, il se trompe, يتوب إلى الله. قال الشيخ جزاكم الله خيرا. والله إني أكره المبالغة من قلب. Cheikh يحلف يجور الآن. Il dit والله أكره. Je déteste المبالغة من قلب. كم مرات on l'a entendu citer هذا. الآن عرفت. Jamais il citera ce كلام. أبدا. هو il a pris un كلام. On va voir. مسألة إمام الثقلين. Et il le colle à Cheikh. Et il conclut. Un Cheikh il est d'accord. Malgré qu'il y a des taubas, malgré la yubali, le but, c'est il saqa des taubas les chers. Quand marat on a entendu le chir, il dit wallah, ba'danas, ils disent des choses. Maintenant, ceux qui posent des questions, vous avez remarqué, il y en a ceux qui posent des questions, souvent ils font une muqaddima. On va poser tant de questions à notre chir, et ba'danas, ils disent des choses. Le savant, le kada. Chir, combien de fois il nous dit, tellement que ça le met mal à l'aise, il baisse la tête. Au marat, il a informé le chir, il met un coup à celui qui pose des questions. Il lui montre, regarde, il le tape dans la queue, c'est un yakfi. Il y en a, ils sont à côté. Tout ça, ça montre qu'il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas que Cheikh qui est dans cette situation. Leurs élèves, des ouars et l'akhira, ils ont tendance à exagérer sur certaines choses. Fal'alim, il leur montre comme il peut. Amma, il saq, hada shay, la Cheikh, annahu zéan. أنه إن لم لغلو إنسان منهج سمن الظلم سمن الكذب أي غنطر دي كونت هذا المجرم سيفة التوبة. قال وأيضا بارك الله فيكم لا نساوي شيئا نحن بل من هو أرفع منا بجانب ابن قطان بجانب الأئمة. لأن السوشاعي لا في الكمباريزون entre الشيخ يحيى et certains imams. فالشيخ لو أمونتخ أننا لا نساوي نحن on est rien par rapport à أولا. يحيى بن القطان تسسكي يحيى بن القطان من أئمة السلف إمام في الجرح والتعديل سنصمد للسنة الشيخ مدخلنا هؤلاء نحن لسويس نزيمة هذا chaque chose à sa place. Mais c'est ça, wallah alhamd, que on a appris ici dans cette marquise et talabat al-ilm, ils avancent à la, c'est ça leur manhaj. بعض الناس يقول كلام كأننا ولدي صوفية كأننا الشيخ يبيان ودروس ولي أمبغس لجنو لبي كأنه هذا أبدا والله بعض الناس خاصة المفتونين كتلة إذا فان مانك دو غسب هذا إلى انسلت هذا يسبع هذا دون اون اسيس دو الشيخ يكخي هذا مانك دو غسب من هؤلاء أصحاب هذا المجرم ceux qui étaient meftouné et qui sont partis. Voilà. Amal an, wallah alhamd, il y a du respect, il y a de l'amour, il y a kada. Famada turidou. Ce respect, cet amour, ils vont l'appeler roulou. Pour tout le monde. Et ta'lamoun anahoum, ils font pas de distinction. Ils disent al-roulou, vijars al-ouli, aïe ses élèves. Al-an, il est en train d'accuser 5000 personnes. Est-ce que nous, on a déjà fait du roulou? Amadan, wallah alhamd. Belle, des fois, on a du taqsir. Des fois, on a du taqsir dans des choses. Fakif, ils nous accusent de dépasser les limites. هذا سيتين بروف دي فلان مثلا دي محمد ابن فلان الى في دو غولو كذا باذن الله لي كونسي ربما سان نوفو ربما سان بوات الى با بوزي سي مو اما هكذا كل مون دي فون دو غولو سا سي منهج الصوفيه منهج الشيعة الروافض سي با منهج اهل السنه اي لو سافهم لكن اذا سي اون كلمه ربما يعني فلان فلان يعني سلغ من شبهه ça nous fait aucun mal. Nous, on cite ça pour montrer celui qui veut le haq, il ne se fait pas avoir. Mais nous, ça ne nous fait aucun mal. Dis roulou, dis ce que tu veux. Nous, l'essentiel, c'est qu'indallah, subhanahu wa ta'ala, on n'est pas, pas accusé de ce jarim, al roulou. وقال ايضا حفظه الله un dernier kalam de Sheikh fi hada pour démontrer انه il est pas il déteste le roulou et c'est pas un manhaj là ابدا قال حفظه الله في احد دروسه قال والله المستقيم الغلو فيه كالضرب في ظهره صحيح صحيح ان الغلو والمدح في المستقيم une personne qui est على صراط المستقيم un طالب علم un savant un sunni, quand tu fais du roulou et tu fais du mat, tu dis des bonnes choses et t'exagères en face de lui, c'est comme si tu tapes son dos. C'est pour ça que le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nous a interdit le roulou. Il y a comme le roulou. Le roulou, c'est comme si ça coupait le dos de la personne. Et on est des êtres humains. Le shaitan il te gonfle la personne et ses gars. Le shaykh il dit le roulou dans le mustaqim, comme le dharb dans le dharb dans le siyat. Siyat, c'est jamais saut. C'est comme si tu lui donnais des coups de fouet يعني sur son dos. Allez, هذا la personne يشتني بهذا. Parle بحق. Pas besoin d'exagérer. كثرة الكلام. Parle بحق. حتى العلماء الشيخ يحيى او اوتك الشيخ يحيى اي ديتست هذا. بعض الناس اي بوز اون كيستيون ا عالم يزيكزاجير زاجير حتى يمثل الشيخ مال اليز. هذا لا ينبغي لا بيرسون بالعدل. Tu le respectes. Tu lui montres ton amour que tu as pour Allah envers lui. Et kafa. قال الشيخ بعد ذلك قال ونا ولا نحب الغلو ونبرا الى الله منه. الان سي واضح اي ديتست اون ايم با لو غلو ونبرا. On se désavoue de, du roulou. عند الله سبحانه وتعالى. Ça, ça montre, Akhil Gari, أن بعض الناس peuvent faire du roulou. Des élèves de Sheikh Yahya ou autres. La personne, il n'est pas ma'asoum. Lakin, chaque chose à sa place. Celui qui fait du roulou, il est conseillé, lui. On ne met pas la faute sur tout le marquez. خاصةً s'il a demandé pardon, pardon, فالمسألة انتهت. Allah subhanahu wa ta'ala, il est ghafour, il est rahim. Ensuite, مسألة يدندنون حولها كثيراً, مسألة إمام الثقلي. Ça, c'est un exemple. أحد الشعراء, il a fait une poésie et il a cité ce kalam. أن الشيخ c'est إمام الثقلي. هذا سي خطا نحن ندز لف دو شيخ اون لو دي سي خطا سي با امام الثقلين ابدا الثقلين سي الجن والانس لا الشيخ يحيى سي ان شيخ سي مدرس اي اون لام في الله اي اون سونتريد افيك لوي سي لا خطا اي لي كونسي هكذا شان العلماء اما امام الثقلين ف سو الشاعر الذي حتى نحن نكسبت با هذا الكلام Et nous, on sait que certains ils ont fait du thana à l'ahl al-ilm, akbar min hada. L'imam Taqalin, c'était les imams des hommes et des djinns. Enfin, tu lis fi ba'd tarajim, tu trouves sana ala ba'd al-a'imma akthar min hada. Lakin nahnu ma nuhib dhalik. Fi Cheikh Yahya ou fi ghayrih. Fa ce talib, il a dit cette kalima. Il a dit cette kalima. الشيخ حفظه الله إلى بنبه. La qasida a été lue, elle a été propagée. بعض الناس اللي ont pris, ils ont dit خلاص انظروا الحجوري. Cette personne, il a lu cette poésie et il a rien dit. Il est d'accord. Ya akhi, ça veut pas dire qu'il a rien dit. Il est pas d'accord. On a déjà expliqué dans les doros auparavant. La personne, il oublie. La personne, ربما انتبه. La personne, ربما il avait quelque chose sur le bal, il voulait ça après, il a oublié. Al-Muhim, nous l'an, on demande à Cheikh. On pose la question à Cheikh Yahya. Est-ce que tu es d'accord, Bihada? S'il dit oui, je suis d'accord, an, c'est un khata. S'il dit non, falimada hada tahammul. Al-An, ils ont posé la question à Cheikh. قال السائل إنكم تفرحون بالمدح أي يقولون إنكم تفرحون بالمدح شوف على هذه غمر بعض الناس يذكرون أن الشيخ يفرح بالمدح يا أخي الله كنت ويد الزاني ولله الحمد كيف يفرح بالمدح كيف au contraire à chaque fois واحد il commence à dire t'es كذا il lui dit اسكت يا أخي اترك هذا الكلام شوفهم ils ont fait une phrase يفرح بالمدح كانوا c'est un enfant كانوا c'est un enfant il aime bien dès que tu le complimentes. قال وتفرحون بمن قال فيكم إمام الثقلين. كان ذاك le poète il a dit إمام الثقلين الشيخ il a levé le poing il a souri ماش هذا الكلام. والله ce كلام il est pas مستقيم. والله tu dis ça c'est طالب علم صغير ما يليق به. طالب العلم صغير. كيف عالم كيف une personne الشيخ مقبل رحمه الله إلا il l'a mis à sa place, c'est son successeur à la hada al-markaz. Une personne, il a une da'wah, il a des milliers de tullab, il a des centaines de livres, il a des milliers d'audio, walillahi alhamd. Qu'est-ce que c'est ce mot ? Innakum tafrahouna bil madh wa tafrahouna biman qala fikum imam al-thaqalay. Nahnu on était là, on n'a pas vu de farah. On n'a pas vu de farah. Si ils auraient dit, ils auraient été monsef, ils auraient dit mantaba. Et il aurait dit, pourquoi tu n'as pas répliqué ? Cheikh, il aurait dit mantaba. Arrive. Khasatan ta'lamoun anna. Nous, on le voit souvent. Anna Cheikh, pendant les poésies, il y a des papiers qui viennent, des questions, des. Fulan, il demande l'autorisation de sortir. Khadiyah sol shay. Khadiyah sol shay, il a une rafla ce mot ou un deuxième mot. Hada. Amma dire là, yafrah isa manhaj, c'est min al-kadib wa zour wa al-buhtan. قال الشيخ il a répondu والله يا أخي ما أفرح بالمدح لا من قبل ولا من مد ولا من بعد والله ça serait une personne qui aurait ce manhaj ويفرح بالمدح الشيخ مقبل il l'aurait jamais cité il l'aurait jamais conseillé les gens يعني qui prennent la science عنده بل ça devient son successeur أبدا الشيخ مقبل il a vécu avec Cheikh Yahya 17 ans ils sont ensemble على الشيخ أنه il aurait vu مثل هذه الأمور il l'aurait pas cité أبدا. قال الشيخ والله يا أخي ما أفرح بالمدح لا من قبل ولا من بعد والله والله شاهد ومطلع على القلوب. نعم لأننا نحن الآن on peut répliquer à هؤلاء on leur dit qui c'est qui vous a informé بهذا. Tu sais ce qu'il y a dans son cœur. لأن الفرح إما الشيخ il a dit je suis content. Il l'a jamais dit, il ne peut pas le prouver. إما c'est un عمل du cœur. Qui c'est qui t'a informé qu'il était content? Man, khasatan haoula, ils n'étaient pas présents. Ou kathir minhum. Fal'an, ça rentre dans les cœurs. Et ça, c'est khatir, dit-il. Qala. Yati ba'd al-shu'ara bi ba'd al-qasa'id, anzur fiha ahdaf minha ma huwa yastahiq l'had. Wa ba'd al-shu'ara, astahi an aqul lahu ta'ala anzur al-qasida. Un être humain. Et ça, c'est, ça montre qui dit kalimat l'haq. Al-shaykh, hafidahullah. تعلمون أن خاصة مثلا celui qui veut lire une poésie الشيخ lui corrige ça lui prend du temps يصبر فبعض الطلاب il lui emmène بعض الطلاب خاصة الزوار les visiteurs ربما il vient il a une قصيدة et الشيخ il l'a pas lu et الشيخ il n'ose pas le blesser lui dire tu lis pas ta قصيدة il faut que je la lis il le laisse et ينتبه si il y a une faute il le corrige هذا c'est من هذه النحية. ربما يا إن شوز من تبه مثل استقلما إمام الثقلي قال الشيخ ربما يكون شاعرا قديما وشاعرا له منافحة إلى غير ذلك كذلك il y a des poètes c'est des anciens ils ont l'habitude le cheikh n'ose pas lui dire là tu propages pas tu dis pas il faut que je te corrige il le laisse vu que c'est un ancien لكن même cet ancien قد يحصل من الخطأ قال قد وقد تكون الزلقة والخطأ ولا تكسب كل نفس إلا عليه كذلك الشيخ le dit il dit ce poète il peut se tromper لكن s'il se trompe c'est lui qui assume son erreur des erreurs. Vous avez remarqué ce tariqa qu'ils ont ? Al-Bayhani, il fait une erreur dans l'islah al-Mujtama, c'est de la faute de Shia. Ibn Abi al-Iz, il cite un kalam, c'est de la faute de Shia. Les poètes, ils font, c'est de sa faute. Ya akhi, il te dit, Anna, je suis pas d'accord. Il est pas d'accord. Comment tu dis, c'est son erreur. S'il accepte, il dit, na'am, moi je prends le même compte, on dit, na'am, t'as la même erreur. Lakin l'an, fil Bayhani, c'est désavoué. Ibn Abi al-Iz, il a montré qu'il n'était pas d'accord. Ce sha'ir, il montre qu'il n'est pas d'accord. Hum là, ils disent, c'est lui. Alors que Allah Azza wa Jalla يقول ولا تكسب كل نفس إلا عليها. Chaque personne il assume ses actes. خاصةً quand toi t'es pas d'accord. Enfin, on peut pas dire là c'est toi qui a fait ou qui a dit. Cheikh il a jamais dit imam al-Taqali. أبداً. قال وعلينا النص وعلينا البعد عن الإطراء أي الغلو. Cheikh il dit on conseille et on s'écarte du غلو. إلى أن قال اختصر الكلام ذهب الوقت. قال والشعراء أو قال الشاعر بعضهم له نزوة كما يقال نعم تكونوا عند الشعراء أنهم قال الشاعر قرأنا قال ربما تطفع عليه بعض الكلمات أو ما إلى ذلك هذا لا شك فيه les poètes ils citent les poètes لأن l'erreur est venue d'un poète لكن حتى les autres la personne il est pas معصوم قال ثم إن الذين قالوا هذه الكلمة قد تراجعوا عنها السلاء الأمر الغريب c'est que هذا الأخ qui a glissé avec ce kalam ils l'ont conseillé Cheikh dès qu'ils lui ont montré ils lui ont dit ah Cheikh il a dit كذا Cheikh منتبه il avait pas fait attention ils l'ont conseillé le Cheikh le frère alhamdoulilah صلى الله عليه وسلم il a dit أستغفر الله il a dit moi mon but c'était pas à côté imam de tous les hommes tous les djinns là lui il parlait du Yémen il parlait de Damaj il parlait Al-Muhim c'est un khata il a admis il a dit c'est un khata on enlève cette kalima et il a montré il a sorti un bayan et il a refait une autre poésie pour montrer que c'est un khata avec tout ça et ils disent que Cheikh il dit imam taqalay ou Cheikh il approuve alors que l'un après la tawba même le frère on n'a plus le droit maintenant ce frère on n'a plus le droit de dire le réprimander à cause de ça là ابدا قال حفظه الله قال وتراجعوا عنها وتركوها نعم لا يجوز après التوبة on dit فلان il a fait لا يجوز تعلمون ان القصة celui qui a tué 99 nefs il est venu voir cette personne de Ahl al-Kitab et il lui a demandé هل من توبة il lui a dit là il l'a tué ثم il est parti voir un alim من هؤلاء un savant il lui a dit هل من توبة il lui a dit نعم Il lui a conseillé de faire le hijra ila akhri. Fala yajouz ma tashabba fi haoula. Il a fait tawba, taqullah. Tantôt wahad ila l'an. Ils disent imam taqalain, ils ont du relou. Ya akhri, ça fait 2, 3, 4 ans, il a fait tawba. Comment vous nous reprochez un truc et une chose où il a fait tawba? Et vous dites que c'est cher. Ça c'est min al-dhul. Hadi al-qadiyya, c'est un exemple. Fakat. C'est un exemple. Fala yajouz. Propager ce genre de choses alors que le frère il a fait tawba. Et Cheikh il te montre. قال الشيخ وانا ما انا امام التقلي الشيخ الذي دي ما انا امام التقلي ثم قال انا اعني مدرس طلابي واستخلفني الشيخ رحمه الله على هذه الدار للدعوه الى الله عز وجل ها الشيخ يكون سا بلاص ولا قال انا je donne des dorons à mes frères الشيخ il m'a cité dans son testament je m'occupe de cette da'wa et ولله الحمد هذا un شاعر il s'est trompé il fait tawba الشيخ il montre son erreur Là, vous dites Imam Taqalain. Ils veulent que ce marque, ils veulent montrer que c'est des ashabs. Des autres erreurs, nous on a cité cet exemple. Des autres erreurs, Rubbama da Talib de Fulal, montre son erreur et on se désavoue de son erreur. Et bien, Ibnillah, il fera tawba. Voilà. Il ne faut pas confondre respect, comme on a dit, et roulou. Wa'adana, si tu dis, j'ai étudié chez Cheikh Yahya, il fait du roulou. Là, ça ne s'est pas savoir. أبدا بعض الناس كذلك يقولون إزلاف الشيخ يحيى أتسد الإمام أحمد من قال هذا quelqu'un a déjà dit هذا أنتم vous êtes au marquis t'as déjà entendu هذا الكلام أبدا نحن ربما ندرس كونفا on cite des كلام de l'imam Ahmed de Cheikh l'Islam Taymiyyah d'Ibn Qayyim c'est rare qu'on cite un كلام de Cheikh Yahya écoute les durus et tu verras c'est rare الآن on cite ces كلام لأن les tuhmats sont sur lui dans ces cassettes dans ces durus أما les autres durus qu'on a fait les shuruh les muhadarat c'est rare on dit قال Cheikh Yahya c'est rare لأن on connaît la place de chacun فمثلا on dit قال l'imam Ahmed قال فلان الكذابين بعضهم يقول on dit on l'a élevé au-dessus de l'imam Ahmed هذه مسألة الغلوس واضح أنه سيكذب على الشيخ وعلى الطلاب وإذا حصل الشيء la personne ينصح وإذا حصل une erreur d'une personne on ne peut pas accuser des milliers de طلاب أبدا خاصة أن هذا الطالب إلى في التوبة فعجبا لهؤلاء المسألة التي بعدها سطعن في العلماء والحدادية هذه المسألة إن شاء الله نتكلم عليها في درس مستقل sans faire un درس à part لأنه ça demande شيء من الوقت فان فرا une محاضرة بإذن الله sur الحدادية c'est quoi الحدادية et on verra أن الشيخ يحيى حفظه الله ses طلاب ils sont بري من هذه الفرية الخاتمة on conclut هذه الدروس بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال قالوا وما رضغة الخبال يا رسول الله قال عرق أهل النار on cite ce hadith نحن pour montrer أن أخي الكريم انتبه يعني de ton كلام لا تظن سي سامبل tu dis فلان حدادي فلان سا منحرف فلان سا حزبي فلان سا كذا لأن celui qui dit sur son frère une chose qu'il n'a pas فما بالك مثل العربات il accuse des milliers de طلاب ils disent فما بالك que si tu dis sur un frère واحد ce qu'il n'a pas c'est un mensonge عليه أسكنه الله رضغة الخبال رضغة الخبال c'est عرق أهل النار c'est un fleuve في النار c'est toute la sueur de أهل النار et les choses mauvaises فالله سبحانه وتعالى يplace cette personne في هذا الوقت فانتبه أخي avant de parler avant d'ouvrir ta bouche avant de تقول الكلمة انتبه est-ce qu'elle est pour toi ou contre toi est-ce que cette كلمة c'est pour لله عز وجل ou c'est pour ton نفس est-ce que cette كلمة t'as un دليل t'as une حجة ou فلان ما dit j'ai entendu انتبه لأن يوم القيامة سيوم الشديد ثم إنكم عند رب ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فالخصومة اللي بيت شديدة يوم القيامة تغاب فلان ما دي أو on est plusieurs أو est-ce que t'as حق ام لا est-ce que t'as été injuste envers le frère ام لا بعد هذا نعم فتأمل أخي أما تلسي عليه في بعض الكلمات ça peut faire beaucoup de mal on a cité les versets ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ابن الزبير رضي الله عنه il a demandé au prophète quand il a entendu ce verset est-ce que les problèmes qu'on a eu entre nous في الدنيا entre les gens ça va se répéter يوم القيامة il y aura un jugement Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit n'am. Il lui a resté le verset. Thumma innakum yawm al-qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Ibn Zubayr, dès qu'il a entendu ça, il a dit Inna al-amr idhan la shadid. Il a dit Inna al-amr, ay l'affaire, cette chose idhan la shadid. Ça va être difficile. Li'anna al-hakim, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Si t'as menti, il le sait. Si t'as parlé sans ilm, il le sait. Et t'auras des comptes à rendre. T'auras des comptes à rendre yawm al-qiyam. فالتقوى Et il faut savoir qu'il y a des asbab qui poussent la personne à tomber dans ses fitnes wal a'yadu billah, à accuser les autres bila haq, à ne pas discerner entre le vrai du faux. Min a'zam al-asbab c'est le jahl. Al-dha'f al-'ilm. لأن هذه مسائل هي مسائل علمية فنحن والله الحمد on les a étudiés on a étudié les plus importantes فهكذا طالب علم si il y a une fitna et il veut savoir الحق فإلا تجي المسألة سيلة القدرة سيلة بالقدرة فيسكت. أما بعض الناس كما نادي والله صفا كيسكي سباس إكزاكتمون والله صفا سمسائل يعني بأقوال أهل العلم كيسكا حق كيسكا طور لا فلان إلا دي سيك سيفغ. كذلك لا بيرسون يفي أتنسيون أو كبر يفي أتنسيون أو كبر أن الحق إلي واضح il a entendu ou il a lu et c'est le haq, mais le kibr c'est un obstacle entre lui et ce haq, ça il rejette. Thomas, quand tu le conseilles, mais Fulan il a dit, mais les savants ils ont dit, mais pourquoi Fulan il a pas dit. كذلك la personne ينتبه أن يغتر بالكثرة. الاغترار بالكثرة c'est une مصيبة. بعض الناس ils ont ce مبدأ, mais pourquoi Fulan et Fulan ils ont dit, ou l'inverse, mais pourquoi les savants ils n'ont pas dit. Non, on ne regarde pas le katra. Toi tu dois dire pourquoi le haq dans cette mas'ala c'est kada ou c'est pas kada. Et si un savant il dit sur haq, il y a que fi ou deux ou trois, c'est pas une condition que tous les savants ils parlent dans cette chose. On avait lu kalam ahl al-ilm fi hada kalam l'imam Shawkani fi muqaddima sharh sudur il est wadih. قال رحمه الله نقرأ un passage. قال فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في أن هذا الشيء بدعة أو غير بدعة أو مكروه أو غير مكروه إلى آخره, عن خلاف مثلا فلان سا حزبي فلان سا حزبي سا مبتدع سا مبتدع سكوا كما تشوف في هذا الحال السني. قال فقد اتفق المسلمون سلفهم وخلفهم من عصر الصحابة إلى عصرنا هذا وهو القرن الثالث عشر منذ البعثة المحمدية أن الواجب عند الاختلاف في أي أمر من الأمور أي من أمور الدين بين الأئمة المجتهدين هو الرد إلى كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. C'est ça la solution. ونحن الآن ces مسائلك on a lu. Si t'es d'accord, فالحمد لله. T'es pas d'accord, فاتجي ces مسائل avec le kitab et la sunna. Et si on s'est trompé, conseille. هذا c'est le دين. قال رحمه الله بعد ذلك قال فإذا قال مجتهد من المجتهدين هذا حلال وقال الآخر هذا حرام فليس أحدهم أولى بالحق من الآخر. Un savant il dit fulan c'est un hizbi, un autre il dit là c'est pas un hizbi. T'as pas le droit de dire celui qui dit hizbi il a raison ou celui qui dit pas hizbi il a raison. Là c'est pas forcément fulan qui a raison. Tu dois étudier la mas'ala. قال وإن كان أكثر منه علما وأكبر منه سنا أو أقدم منه عصرا. Même s'il est plus vieux que lui, ou il a plus de ilm que lui, ou il est plus ancien que lui, ça ne fait pas que sa parole elle passe avant l'autre. Thumma il a cité kadhalik bab al katra. Kadhalik, ça ne veut pas dire qu'il y a 10 savants, ils ont choisi un qawl. Un savant, il a choisi un autre qawl, que les 10, ils ont forcément raison. Al-ibra, c'est bid dalil. Fa in tanaza'tum fi shay'in, farudduhu ila Allah wa Rasul. Kadhalik, la personne, il fait attention à mujalasat ahl al-ahwa. Ba'd an-nas, ils sont ala khayr. Ils aiment le khayr. Ils aiment cette da'wa, ils aiment Cheikh Mouqbil, ils aiment Cheikh Yahya. Lakin, ils parlent avec certaines personnes, khasatan, musibat l'internet, internet. Ils voient des accusations. Ils n'aiment pas les savants. Ils ne respectent pas les compagnons. Ils ont de l'exagération. Ils voient tout ça, son cœur, il tombe malade. Là, il ne sait pas si c'est vrai, c'est pas vrai. Lakin, ça lui met des doutes. Et il s'écarte. Il a arrivé, attention à Moudjala, c'est à l'échec. S'il y a quelque chose, demandez à Dillah. C'est quoi votre délire? Il a dit ça. Et t'étudies la mas'ala. Et بإذن الله, si t'as le qudra, ton étude, il y aura des fruits bénéfiques. Si t'as pas le qudra, fais le dua. Fais le dua. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. كذلك ننصح الجميع بالرفق والأخلاق العالية. كذلك on conseille les frères, comme cette da'wa ou qu'ils ont des shubah, بالرفق, la douceur. T'as pas compris aujourd'hui, mais idnillah, tu comprendras demain. Le haq, aujourd'hui, c'est flou, au rubama, demain, ça sera clair. La douceur, si une personne n'a pas compris, montre-lui. Si c'est un mu'anid, il combat le haq, et il veut pas écouter, écarte-toi de lui. Arrifq, arrifq. Qala nabi sallam, ma kana arrifq fijay illa zana. Le rifq, si tu le mets dans une chose, quelle que soit cette chose, le rifq, la douceur, elle embellit cette chose. نعم لأنه on a vu أن بعض الناس يهجرون إخوانهم. بعض الناس فلان إلي revenu de دماج إلا هاجر أو فلان إلى دماج خلاص plus de coup de fil. لا يجوز هذا, لا يجوز. C'est ton frère, c'est un حق, montre-lui. Il s'est trompé, montre-lui. ثم ils accusent les étudiants de دماج du roulou. Ça c'est pas من الغلو هذا. Wallah, ils ne savent pas l'affaire. Ils ne savent pas qu'est-ce que tu es devenu. Il ne prend aucune nouvelle, il coupe les liens et halas, il ne sait pas pourquoi. Ça, c'est pas minal ghulou. Ça, c'est minal ghulou. Marra Wahed, il a appelé un frère pour vous montrer Anna, c'est du ghulou. Marra Wahed, il a appelé un frère et ce frère, il était venu nouveau ici. Au bout de quelques mois, il l'a appelé. Il y avait des autres frères qu'il connaissait, mais il ne les appelait plus. Pour lui, il les a classés. Haddad dit stop, parle plus avec eux. Ce nouveau, il a essayé de le. Enfin, il a parlé avec lui. Thomas, il lui a dit, ya Foulan, ils t'ont parlé de Kada Kada. Il parle de cette fitna. Le frère, il lui a dit là. Thomas, le frère, il lui a dit, t'as jamais entendu Kada. Ça montre, ils ont été gonflés, ils pensent qu'à demain, j'en parle que de ça. Ils croient que nuit et jour, c'est ça. On n'a pas de doros, on ne fait pas l'usul talat, qaïd arba al-wasti, là. Nos doros, c'est l'adani, l'adani. Enfin, frère, il lui a dit là, j'ai mes doros, alhamdulillah, je fais de la langue arabe, du tawhid. Ça prouve maintenant le makan, il est fondé sur l'ilm. Nous, cette fitna, on en parle. Pourquoi? Parce qu'ils mettent des choubouettes aux gens et on montre, faqat. Mais avant, nous, abadan, t'entendais une kalima de nos fihada, abadan. Écoutez les doros. Enfin, moi, il lui a dit, l'autre starb. Il a dit, t'en es sûr. Le frère lui a dit, là, ils m'ont pas parlé de Hada. Parce que ça vous montre, Anna, c'est eux qui parlent. Tout le monde, dès que tu viens répondre à leur shubuhat, à leurs erreurs, il te dit là, ils parlent que de ça. Ah, c'est vous qui parlez, Shir, Havidallah. Depuis que la fitna de Rafidah est venue, pas un mot il est sorti. Tout le monde, Haddadi, c'est un menteur, c'est un kata. Ils répondent, ils disent, oh, regardez, ils parlent que de la fitna. Il y a trop de taqlib al-haqa'iq. Et pensez à Yom al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit, il entend et il sait tout ça. Fahada. Nassal Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiq al-jami'a wa an yajma' kalimata ahli sunnah ala al-haq wa nas'aluhu azza wa jal an yahfad hadhihi al-dar wa shaykhaha wa tullabaha wa an yahdiyahum ila sawa' al-sabil innahu waliyu dhalik wa al-qadiru alayhi. Et à partir de demain, avec Idnillah, on voulait faire Mouraja'a, mais je pense que tu n'es pas là demain. Il faut que tous les frères soient là pour Mouraja'a. Demain, on commence le nouveau livre. Enfin, les frères qui sont là demain, on commence Al-Aqid al-Tahawiyya avec le Sharh de Cheikh Al-Bawzan, Havidahullah. Demain, on est mercredi. Jeudi, il n'y a pas d'ars. Vendredi, il n'y a pas d'ars. Et samedi, on commence la Mouraja'a de l'Ouassati. Et dimanche, bi'idnillah, on reprend nos durous. Et bi'idnillah, on fera une autre kalima pour compléter ce sujet. Et ça sera sur les contradictions de Ba'd al-Nas fi hadhihi al-fitna. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Ba'd al-Nas, ils se contredisent. Et on montrera, bi'idnillah, ces points. Kadalik, on fera une kalima sur le Haddadiyya. Et sur tout ce qui est rapport avec le Haddadi, il y en a qui accusent Shir Biyadan, on le fera dans une kalima à part. Fa, nasallah subhanahu wa ta'ala, tawfiq lil jami'. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.